Chapitre 8e. Ce que le colonel lui voulut savoir et ce qu'il se demandait curieusement, c'était pourquoi le prince était venu au Glion. Il n'avait point oublié, bien entendu, ce que Madame de Lucilière lui avait si souvent répété à propos des projets du prince et de ses espérances matrimoniales. Il se pouvait donc très bien que ce voyage au Glion n'eût pas d'autre but que l'accomplissement de ses projets et la réalisation de ses espérances. Sachant ce qui s'était passé avec Madame de Lucilière, le prince avait trouvé que le moment était favorable pour mettre Carmélita en avant et la présenter comme une consolatrice. Alors la maladie de la comtesse Belmonte n'était qu'un prétexte pour expliquer ce voyage. Il faut dire que le colonel n'était nullement disposé à l'infatuation, et que de lui-même il n'eût très probablement jamais imaginé qu'on pouvait courir après lui pour le marier avec une jolie fille. Mais Madame de Lucilière lui avait si souvent parlé de ce projet du prince que le souvenir de ses paroles ne pouvait pas ne pas l'inquiéter en présence d'une arrivée si étrange. Seulement, pour que cela fût possible, il fallait deux choses. D'abord, que la comtesse de Belmonte ne fût pas malade, ensuite que son séjour au Glion eût été révélé. Par qui? Comment avait-il pu l'être? Ses recommandations à Gaston de Pompéran avaient été telles, lorsqu'il avait écrit pour liquider son association avec le marquis de Lucilière, il y avait certitude qu'une indiscrétion ne pouvait pas avoir été commise de ce côté, mais Horace. Il le fit appeler et l'interrogea. « Depuis que nous sommes en Suisse, as-tu écrit à Paris ?»« Non, mon colonel, vous me l'aviez défendu et malgré toute l'envie que j'avais d'écrire, je ne l'ai pas fait. Je ne vous cache pas que cela a été dur, mais je vous ai obéi. » Le colonel resta en présence de la question qu'il s'était posée. Son séjour au Glion avait-il été connu du prince Mazzazzoli et cette connaissance avait-elle déterminé le voyage de Carmélita? Mais en ce moment, il était assez difficile de trouver une réponse précise à cette question. En tout cas, il n'y avait pour lui qu'une chose à faire, quitter le Glion. Lorsqu'il monta à sa chambre, il était donc parfaitement décidé à partir. Il ouvrit sa porte avec précaution et il marchait doucement en évitant de faire du bruit, de peur de déranger ses voisines, lorsqu'il entendit frapper quelques petits coups à la cloison. En même temps, une voix, celle de Carmélita, l'appela. « Colonel, c'est vous, n'est-ce pas ?» On parlait contre la porte qui mettait les deux chambres en communication intérieure et qui, alors qu'il occupait ces deux chambres, restait toujours ouverte. Il s'approcha de cette porte et répondant « Oui, c'est moi. » « Je vous ai bien reconnu aux précautions que vous preniez pour ne pas faire de bruit. Ne vous gênez pas, je vous prie. C'est moi qui suis votre voisine. » J'ai le sommeil bon. Quand je dors, rien ne me réveille. Bonsoir. Bonsoir. Comment ? Il serait exposé tous les soirs à des dialogues de ce genre ? À chaque instant, dans le jour, il verrait Carmélita ? Ah, certes non, et le lendemain, il quitterait le Glion. C'était le plus simple et aussi le plus sûr. Il ne le rejoindrait pas sans doute sur les sommets de l'Engadine ou de la belle Latola. Le lendemain matin, comme il sortait de sa chambre, il trouva dans le vestibule le prince Mazzazzoli qui se promenait en long et en large. Le prince, levé à une heure si matinale, cela était bien invraisemblable. Que se passait-il donc d'extraordinaire? Le prince se chargea lui-même de le renseigner à ce sujet. « Auriez-vous 2 minutes à me donner ? » demanda-t-il en serrant la main du colonel. « Mais tout ce que vous voudrez. » Et le prince, le prenant par le bras, l'emmena dans le jardin. « Connaissez-vous Champéry ? » demanda-t-il. « J'entends, y êtes-vous allé ? » Non. « Et les diablerets ? Je n'y suis pas allé non plus. Et le bal d'Anivier ? Je ne le connais que par les livres. Voilà qui est fâcheux. J'avais compté sur vous pour me tirer d'embarras. Les livres, les guides, c'est parfait, mais dans notre situation, ce n'est pas suffisant. Avait-il donc l'intention de le suivre ? Il ne put pas retenir une question. Et que vous importe Champéry ou le bal d'Anivier ? Il faut être franc, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je voudrais ne pas l'être. Que cela me serait impossible. Je vous demande des renseignements sur Champéry et les diablerets parce que mon intention est d'aller aux diablerets ou à Champéry ou au bal d'Anivier, enfin, dans un pays où ma pauvre sœur trouvera les conditions atmosphériques qui lui sont ordonnées. Et si je choisis ces pays, c'est parce qu'ils ne sont qu'à une courte distance du Glion. Mais le Glion lui-même. J'avais choisi le Glion parce que je le connaissais et que je savais que c'était la station par excellence pour ma malheureuse sœur. Mais nous ne pouvons pas rester au Glion. Vous m'avez demandé d'être franc. Je veux l'être jusqu'au bout. Avec une bonne grâce parfaite, avec un élan spontané, vous avez bien voulu nous céder vos chambres. mais il est bien évident que notre présence vous gêne. Comment pouvez-vous penser ? Je ne pense pas, je suis certain. Pour des raisons que je n'ai pas à examiner, vous désirez être seul. Notre voisinage vous incommode et vous trouble. Alors vous partez. Eh bien, mon cher colonel, cela ne doit pas être. Ce n'est pas à vous de partir, c'est à nous de vous céder la place. Permettez. Je vous en prie, laissez-moi achever. Nous sommes ici dans des conditions tout à fait particulières. Si vous n'aviez pas habité cet hôtel, nous n'aurions pas pu nous y faire recevoir. Nous ne sommes donc ici que par vous, par votre complaisance. Eh bien, mon cher colonel, il serait tout à fait absurde que vous fussiez victime de votre complaisance. Nous vous gênons. Vous désirez la solitude que vous ne pouvez plus trouver, nous ayons pour voisins. Nous nous en allons. Rien n'est plus simple, rien n'est plus juste. Voilà pourquoi je vous demandais des renseignements sur les hôtels des environs, pensant que vous les connaissiez, et ne voulant pas me lancer à l'aventure avec une malade. Jamais je n'accepterai ce départ. Et moi, jamais je n'accepterai le vôtre. Mon intention n'était pas de rester au Glion. Elle n'était pas non plus d'en partir aujourd'hui. De cela, je suis bien certain. J'ai interrogé Horace, qui ne savait rien, et qui assurément eût été prévenu si votre départ avait été arrêté avant notre arrivée. Le colonel demeura assez embarrassé. Il ne lui convenait pas, en effet, de reconnaître qu'il quittait l'hôtel pour fuir la présence du prince et de Carmelita. C'était là une grossièreté qui n'était pas dans ses habitudes. Ou bien c'était avouer sa faiblesse pour Madame de Lucilière, ce qui le blessait dans sa pudeur d'amant malheureux. « Je vous affirme, dit-il après un moment de silence, que je ne comptais pas prolonger mon séjour ici longtemps encore. « Longtemps encore, je l'admets. Ce que je n'admets pas, c'est votre départ immédiat. Devant partir un jour ou l'autre, il est bien naturel que je vous cède tout de suite une chambre qui vous est indispensable, car vous ne pouvez pas rester dans le trou où vous avez passé la nuit. Un jour ou l'autre, je vous le répète, je comprends cela. Ce que je ne comprends pas, c'est aujourd'hui. Ainsi, voilà qui, bien entendu, si vous persistez dans votre intention de partir ce soir, c'est nous qui partons ce matin pour les Diablerets ou pour Champéry, peu importe. Si, au contraire, vous restez pour quelques jours, nous restons nous aussi, tout le temps qui sera nécessaire pour la santé de ma sœur. Quelques jours. Cela au surplus ne l'engageait pas à grand-chose. Sortant le matin de bonne heure, rentrant le soir tard, il ne verrait guère le prince et Carmelita. Dormir auprès d'une jeune fille, si belle qu'elle fût, n'avait jamais été dangereux. Voilà comment, après avoir décidé de partir, il ne partit pas.